balade encore plus lourde. Les cœurs s'aigrissent dans la poussière. Les paroles deviennent des armes et la plainte monte vers le ciel amer. Alors les serpents entrent dans le camp comme un miroir de la révolte intérieure. Le péché révèle son venin et la mort effleure la douleur. Même au cœur du jugement, tu ouvres un chemin de grâce. Quand nous levons les yeux vers toi, la mort perd son pouvoir. Dans le regard fixé sur ton salut, la vie traverse le soir. Quand nous levons les yeux vers toi, même blessé, signe étrange venu du ciel. Quiconque regarde avec foi voit la guérison devenir réelle. Même notre chute devient annonce d'un salut plus grand encore. Car ce qui est élevé dans le désert parle déjà de ton corps. Quand nous levons les yeux vers toi, quand nous levons les yeux vers toi, la mort perd son pouvoir. Dans le regard fixé sur ton salut, la vie traverse le soir. Quand nous levons les yeux vers toi, même blessé, et la vie recommence.